Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net, c'est pro net. On va parler de golf avec notre ami Serge Cloutier. Brooks Koepka a remporté le US Open. C'est la première fois depuis 1988-89 qu'un champion récidive au US Open. On en parle avec Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour Danny. Oui Serge, regarde ça. Brooks Koepka était à plus 1, mais tu me disais avant de rentrer en onde que ça a changé beaucoup là. Au monde, là, du ouais. Point, là, qui était premier, puis qui a commencé samedi matin à moins 4, puis il avait 4 coups d'avance. Okay. Mais il a joué 77. Alors là, imagine-toi, c'est plus 7. Il est tombé de moins 4 à plus 3, puis il a perdu la tête. Mm. Il était plus premier. Puis là, la journée d'hier, ben il y a des gars qui ont joué des rondes exceptionnelles. C'est là qu'on se rend compte que des amateurs, on ne sait jamais ce qui va arriver au golf. Moi, dans le terme de golf, si tu potes pas sur les verres, tu peux pas gagner. C'est impossible. Alors, l'ami Johnson, lui, s'est mis à faire des trois potes, comme on dit. Okay. Parce que les verres étaient extrêmement rapides et difficiles. Alors là, à un moment donné, il s'est sorti complètement. Il a fait trois fois trois potes samedi, la même chose hier. Puis Koepka, lui, qui avait gagné le US Open l'année passée, s'est faufilé à travers tout ça, puis il est venu finir premier. Mais rien que pour te donner une idée de la différence de terrain avec l'année passée, Koepka avait terminé gagnant à moins 16. OK, oui, monsieur. Okay. Cette année, plus 1. OK. Alors, il n'y a pas un golfeur qui a fait l'égalité et moins, parce que le terrain était trop difficile, les verres, les approches, et ainsi de suite. Alors, tu sais, des fois, il y a des changements qui se font avec la température, les vents, la vitesse des verres. Alors, Curtis Strange avait été le dernier à gagner deux US Open de suite. Okay. Ça fait 30 ans, en 88-89. Et... Alors, tu vois là que c'est assez rare, merci, qu'on gagne deux fois un tournoi majeur de suite. Parce que c'est la pression, parce que c'est... c'est ce qui explique ça un peu, quoi? Ben oui, c'est la pression, puis tu sais, il y a des... Le golf, c'est tellement... Ça change tellement qu'à un moment donné, tu joues une bonne ronde, comme je te mentionnais avec Fleetwood, qui a terminé deuxième. Il avait joué 78 samedi. Aïe, aïe. Puis hier, il a joué 63. C'est 15 coups de différence sur le même terrain. Évidemment, le même terrain, il faut faire attention. Il change les fanions de place. Hein. Des fois, il est même plus difficile, plus accessible, et ainsi de suite. Et le monsieur hier, là, qui s'appelle Koepka, ouais, est sur la map depuis 2 ans. Ben, la première bourse hier, 2,160,000 au gagnant. Papi. Le deuxième, il y avait 1,3 million. Avant, les bourses, c'était 700, 800, 900 000, 1 million, 1 million 2. 2,160,000 hier pour Koepka. Et je ne sais pas si les gens ont pu voir en fin de semaine Phil Mickelson qui a fait une gaffe épouvantable qu'on n'avait jamais vue par un professionnel. À un moment donné, il a fait un coup roulé. Puis ça allait pas bien son affaire. Okay. Il était pas là. La balle a passé à côté du trou, puis elle s'est mise à descendre. Il est parti en courant. il a donné un coup sur la balle, ce que tu ne dois jamais faire, parce que ça ne se fait pas. La balle est revenue l'autre bord du trou. Là, il le manqué encore une fois. Il a joué 8 avec 2 coups de pénalité. Ça fait 10. Mm. Et là, un gars comme Phil Mickelson, qui est un gars respecté, bonne réputation, il a fait quelque chose que très rarement on voit dans le golf. D'ailleurs, c'est la première fois moi que je voyais ça. Un gars qui partait en courant parce que pour aller arrêter sa balle sur le verre. Alors, évidemment, il a été critiqué par plusieurs pour avoir fait ça. Mais moi, j'ai pas fait ça pour me moquer du monde. J'ai fait ça parce que j'étais comme un peu désabusé, puis j'ai vu que ça marchait pas. J'ai été poussé à la balle. J'aurais peut-être pas dû le faire, mais j'ai pas fait ça pour rire de personne. J'ai fait ça parce que j'étais un peu découragé. OK. Là, il y a Tiger aussi que ça a mal été, hein? Ben, Tiger a pas fait la cote en fin de semaine. Il a fini à plus 10. Ouais. Puis les golfeurs, pour faire la coupure de samedi-dimanche, prenaient plus 8 et moins. OK. Et celui qui a le plus souffert, Tiger n'était pas là, Jason Day n'était pas là, Bubba Watson n'était pas là. Jordan Spieth, à un moment donné, il était à plus 7. Okay. Ça prenait plus 8. Il restait 2 trous. Il a fait 2 bogeys. Des bogeys, c'est un au-dessus de la normale. Il a terminé à plus 9. Il n'a pas joué en fin de semaine. Il était découragé. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est un terrain de fou. L'année prochaine, on va jouer à Glen Abbey. Ça, c'est un beau terrain. Pas facile, encore une fois. Puis la prochaine fois qu'on va se parler d'un tournoi majeur, c'est vers la fin juillet. British Open. Ça va être l'Omnium britannique. Ouais, le British Open. Fait que ça va être intéressant aussi. C'est toujours mystérieux, le British Open. Ben, c'est mystérieux. Il fait pas beau. Les vents. Et on va jouer sur un terrain extrêmement difficile cette année parce qu'on change à chaque année. C'est pas... Une année, c'est St. Andrews, puis après ça, on change. Alors, on va se reparler à ce moment-là, Danny, mais ça va être encore une fois des pointages qui vont être assez élevés, merci. Oui. Serge Cloutier, un gros merci. On s'en parle pour le US Open, le British Open, pardon. Parfait, Danny, merci beaucoup. Notre collaborateur, Serge Cloutier.